Les chasseurs de nazis. Chapitre 7. Les Américains font le ménage. Troisième épisode. Quand nous avons commencé, c'était en 1980. La guerre était finie depuis 35 ans. Et ces hommes que l'on recherchait, certains avaient 60, 65 ans. Je trouvais à l'époque que c'était très vieux, mais je ne le pense plus maintenant. Voulu et pensé par la sénatrice Elisabeth Holzman, l'Office of Special Investigation est rattaché au ministère de la Justice. Son objectif ? Trouver d'anciens nazis qui seraient devenus des citoyens américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des citoyens américains, ou plutôt des voisins discrets, comme les décrit Alan Ryan, qui devient le premier directeur de l'OSI. Pour vous imaginer, notre interlocuteur, aujourd'hui professeur d'histoire sur le campus d'Harvard à Boston, pensez à un ours mal léché. Vous êtes encore loin du compte. It became clear to me. Il m'est apparu clairement que s'il fallait persuader un juge de révoquer leur citoyenneté, ce qui est une mesure très très grave, ou bien de les expulser, ou bien les deux, nous devrions faire beaucoup plus que de montrer qu'ils avaient menti en remplissant quelques questionnaires. Il faudrait montrer en fait qu'ils avaient du sang sur les mains, qu'ils avaient activement participé aux persécutions nazies ou à des crimes de guerre. Je n'étais pas du tout intéressé par quelqu'un qui aurait menti sur son âge ou quelqu'un qui aurait caché qu'il appartenait au parti. Nous, nous nous concentrions exclusivement sur ceux qui avaient pris part aux persécutions. C'est vraiment cela qui faisait la différence. En fait, c'est ce qui séparait ceux qui avaient menti en remplissant des formulaires de ceux qui avaient véritablement pris part aux crimes nazis. Nous nous concentrions sur ce dernier groupe. Et des gens nous ont donné des noms. Mais finalement, les documents les plus fiables, c'était des documents allemands de l'époque, ou bien provenant des documents de collaborateurs. Beaucoup des gens qui ont été portés à notre attention n'étaient pas allemands, parce que après la fin de la guerre, il était très difficile de venir aux États-Unis si vous étiez allemand ou autrichien. Vous étiez vraiment passé au peigne fin. D'un autre côté, il était très facile et à dessein de venir aux États-Unis si vous étiez originaire de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Ukraine, des pays de l'Europe de l'Est, en fait des pays de l'Europe de l'Est principalement, et les préférences très explicites pour l'immigration de gens venant de ces lieux-là, on les appelait les personnes déplacées, et beaucoup d'entre elles étaient littéralement réfugiés, déplacés. Mais il y avait parmi eux un certain nombre qui n'étaient pas des réfugiés du tout. C'étaient des collaborateurs nazis qui fuyaient devant l'avancée des Russes qui venaient de l'Est. Et donc ils ont menti sur leur histoire. Ils prétendaient être des fermiers alors que c'était d'anciens gardes du camp de concentration. Ils disaient que c'était des coupeurs de bois alors que c'était des auxiliaires de police. Nous avons donc entrepris ces efforts et plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne nous voir et nous dire « mon voisin est un nazi » ou « j'ai vu quelqu'un dans le métro qui était nazi ». Nous sommes retournés aux documents originaux qui montraient qui étaient les collaborateurs sur les listes de Travniki, de Treblinka ou d'Auschwitz, les listes des auxiliaires de sécurité de la police de telle ou telle région, de Lettonie par exemple. Et on a pris ces noms, ces dates de naissance, et nous avons croisé avec les listes de l'immigration américaine, ce qui était assez facile parce que, jusque dans les années 60, tout immigrant devait s'enregistrer chaque année avec les services de l'immigration. Donc, quand on trouvait un nom et une date de naissance qui concordaient avec les dossiers de l'immigration, Il était facile de trouver où ils habitaient. Moi, je ne me suis jamais pris pour un chasseur de nazis. Retrouver ces gens-là était la partie la plus facile de notre travail. Donc, si on trouvait des gens qui concordaient avec une certaine date de naissance ou un nom, c'était un garde de Treblinka ou un auxiliaire de police, et que c'était le même nom, la même date de naissance, que cette personne vivait désormais à telle ou telle adresse, à Pittsburgh ou à New York, c'était à ce moment-là qu'on ouvrait l'enquête. C'était pas véritablement, en fait, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus exact de travailler en arrière que de partir des preuves de complicité et de persécution, puis de retrouver la personne qui concordait avec ces descriptions. Nous avions un bureau assez important, avec une cinquantaine de personnes de formations très différentes. Nous avions des avocats, des historiens, des docteurs en histoire. Nous avions des gens que j'appellerais des professionnels de l'application de la loi, des gens du FBI, des gens du bureau du tabac, des alcools et des armes à feu. Nous avions des gens des services secrets. Certains d'entre eux étaient des retraités. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des gens qui avaient fait partie du contre-espionnage militaire. Et là où je voyais un défi important à surmonter, c'était comment faire travailler ensemble ces gens qui venaient d'horizons et de disciplines différents pour atteindre un but commun. Et quand tout cela a commencé à faire son chemin, je me souviens d'avoir dit, écoutez, je veux que tous les historiens pensent comme des avocats, et je veux que tous les avocats réfléchissent en historiens. Parmi ces historiens, Peter Black, spécialiste des Républiques baltes. Je ne me voyais pas comme un enquêteur. Je n'avais pas le sentiment de mériter ce titre, pas encore, pas avant d'avoir davantage d'expérience. Mais je savais que j'étais un chercheur universitaire, bien formé, à défaut d'être chevronné, et je savais rassembler les biographies d'individus. Primarily with non-German. Il s'agissait essentiellement de personnes non allemandes ou d'allemands originaires d'Europe de l'Est qui occupaient les échelons inférieurs, tout est relatif, dans l'appareil de persécution nazie en Europe centrale et orientale. I developed a sense of being. Et petit à petit, je me suis mis dans la peau d'un enquêteur à mon tour. Nous étions donc des historiens, investigateurs. Et nous formions une équipe motivée, très soudée. Et nous collaborions parfaitement aussi avec les procureurs. Nous avions un moral d'acier. Nous avions conscience de l'importance de notre travail. Nous faisions quelque chose qui non seulement rendait justice aux victimes du joug nazi, mais qui était également essentiel pour toute la société américaine. Et quand bien même le budget de l'OSI n'était qu'une goutte d'eau dans le budget américain, on parle de 2 à 3 millions de dollars, mais certains se demandaient pourquoi on dépensait cet argent à traquer ces vieillards au lieu de poursuivre les trafiquants de drogue. Vous vous rappelez, c'était la grande époque de la guerre contre la drogue. Pour votre équipe, ou même pour vous, est-ce que travailler à l'OSI, c'était un travail ou une mission ? C'était un travail. Un travail dans lequel on croyait profondément. Alan Ryan. Et que nous avons effectué en respectant strictement toutes les normes éthiques et professionnelles. Nous faisions partie du ministère américain de la justice. Nous n'étions pas dans une croisade personnelle. Nous suivions simplement ce que dictait la loi des États-Unis,